L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Traduit de l'italien par Elsa Damien. Lila est une petite fille méchante, d'une intelligence rare, qui a appris à lire toute seule. Son ami Lenou lui voue une admiration sans borne, imaginant que seule Lila peut la sauver d'elle-même et l'empêcher de devenir le sosie de sa mère, une idée qui l'épouvante et la tient éveillée la nuit. Les petites filles grandissent. Elles apprennent à lire, à écrire et surtout à éviter les coups de leurs camarades de classe qui sont jaloux de leurs prouesses scolaires. Les garçons attendent les filles après l'école pour leur jeter des pierres. Mais Lila riposte et Lenou veille sur elle, ne la laissant jamais seule. Troisième épisode, l'échappée belle. Alors que nous nous apprêtions à terminer notre cinquième année de primaire, on nous annonça que Lila et moi étions faites pour continuer nos études. La maîtresse appela tour à tour mes parents et ceux de Lila pour leur dire que nous devions absolument passer, outre l'examen de fin de primaire, celui d'admission au collège. Je tentai par tous les moyens de dissuader mon père d'envoyer auprès de la maîtresse ma mère, claudiquante, l'œil strabique et surtout éternellement en colère, et de faire en sorte qu'il y aille lui qui était portier à la mairie et savait utiliser des manières courtoises. Je n'y parvins pas. C'est elle qui s'y rendit. Elle parla avec la maîtresse et rentra à la maison très sombre. Alors ? La maîtresse veut de l'argent. Elle dit qu'elle doit lui donner des cours supplémentaires parce que l'examen est difficile. Quoi ? Mais à quoi il sert cet examen ? À lui faire apprendre le latin. Le latin ? Et pourquoi elle doit apprendre le latin ? Parce qu'ils ont dit qu'elle était douée. Ah ben si elle est douée, pourquoi la maîtresse doit lui donner des cours payants ? Pour que ça aille mieux pour elle. Et pire pour nous. Ah, écoute, si c'est bien pour elle, non. On peut essayer. Non. Lenou, on est d'accord, tu iras chez la maîtresse. Mais il faudra que tu travailles beaucoup. Oui, papa. Les parents de Lila, en revanche, dirent non à leur fille. Nunzia Cerullo fit quelques tentatives peu convaincues, mais son père ne voulut même pas en discuter et il gifla son fils Rino qui lui avait dit qu'il avait tort. Sur le chemin de l'école, Lila me dit avec son ton habituel « De toute façon, moi l'examen, je le passe quand même. » Je la crus. Juste après Pâques, je commençais à aller chez la maîtresse pour me préparer à l'examen d'admission. J'aimais bien ces leçons particulières qui avaient lieu deux fois par semaine. Lila ne vint jamais. Ses parents n'avaient pas accepté de payer la maîtresse. Mais elle continua à me dire qu'elle passerait l'examen et qu'elle irait au collège dans la même classe que moi. Et les livres ? Tu pourras me les prêter. Pourtant, c'est un roman qu'elle se paya avec l'argent de Don Achille. Lila acheta les quatre filles du docteur March. Elle se décida parce qu'elle connaissait déjà ce livre qui lui avait beaucoup plu. En quatrième année, Madame Oliviero nous avait donné, à nous les meilleurs de la classe, des livres à lire. Lila était tombée sur les quatre filles avec comme phrase accompagnatrice la formule suivante. C'est un livre pour les grandes, mais il te convient bien. Moi, j'avais eu le livre Cuore sans même un mot m'expliquant de quoi il s'agissait. Lila avait lu aussi bien les quatre filles du docteur March que Cuore en très peu de temps. D'après elle, les quatre filles étaient sublimes. Moi, je n'avais pas réussi à le lire et j'avais déjà eu du mal à finir Cuore dans les délais fixés par la maîtresse pour la restitution des livres. Je lisais lentement et aujourd'hui encore je suis ainsi. Lenou, viens, on va aux étangs. Pourquoi faire ? On va chercher les sous que Don Achille nous a donnés. Et on va s'acheter les quatre filles du docteur March. Vraiment ? Lila, super. Quand elle avait dû rendre le livre à Madame Oliviero, s'était plainte de ne pas pouvoir constamment relire les quatre filles du docteur March et de ne pas pouvoir en parler avec moi. Ah, voilà notre vieille boîte en métal. Compte. 250, 300... 500 lire, c'est bon, tous les sous sont là. Nous allâmes jusqu'à la papeterie, où il y avait dans la vitrine depuis Dieu sait combien de temps un exemplaire des quatre filles du docteur March, jauni par le soleil. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Yolanda. Bonjour. On voudrait acheter un livre, celui qui est dans la vitrine. C'est combien ? 500 lires. Ouf, on a assez. À peine devenue propriétaire du livre, voilà. Nous commençâmes à nous retrouver dans la cour pour le lire, soit silencieusement l'une à côté de l'autre, soit à voix haute. Nous le lûmes pendant des mois tellement de fois qu'il devint un torchon. Il partait en lambeaux et perdit son dos. Mais c'était notre livre et nous l'aimions beaucoup. C'est moi qui en étais la gardienne et je le conservais à la maison au milieu de mes manuels scolaires parce que Lila ne se voyait pas le garder chez elle. Son père, ces derniers temps, s'énervait rien qu'en la surprenant à lire. Son frère Rino, en revanche, la protégeait. À cette époque, il avait dans les 16 ans. C'était un garçon très nerveux qui avait engagé sa propre bataille afin d'être payé pour le travail qu'il fournissait. Écoute, papa, je me lève à 6 heures. Je viens au magasin et je travaille jusqu'à 8 heures du soir. Je veux un salaire. Tu as un lit où dormir. Tu as de quoi manger et tu veux de l'argent en plus. Tu dois aider ta famille, pas l'appauvrir. Je trime toute la journée, c'est pas juste. Mais moi, je te paye déjà, Lino. Je te paye grassement en t'apprenant tout le métier. Tu sauras bientôt refaire tout seul des talons et après tu arriveras à fabriquer, dans les règles de l'art, une chaussure entière. Si tu me payes, je finance les études de Lila. Les études ? Pourquoi j'ai fait des études, moi ? Non. Et toi, tu as fait des études ? Non. Alors pourquoi ta sœur devrait en faire alors que c'est une fille ? Ah ! Lila ne me l'a jamais dit, mais j'ai toujours eu l'impression qu'alors que je haïssais ma mère, elle... Malgré tout, n'en voulait nullement à son père. Elle racontait qu'il était plein de gentillesse et que, quand il devait faire les comptes, il les lui laissait faire. Ma fille, c'est la plus intelligente de tout le quartier. Ce matin, je lui ai apporté le petit déjeuner au lit. Mais il n'y avait rien à faire. L'idée qu'elle continue ses études ne faisait pas partie de ses manières de voir. Et cela ne faisait pas partie non plus de ses possibilités économiques. Il avait une famille nombreuse et tout le monde vivotait grâce à sa petite boutique. Par conséquent, cette histoire de faire des études, c'était comme parler à un mur. Et au fond, sa mère était de la même opinion. Seul son frère pensait autrement. Et il se battait courageusement contre son père. Et Lila était convaincue que son frère Rino lui donnerait de l'argent pour ses manuels scolaires, mais aussi pour ses plumes, son porte-plumes, ses pastels, sa map-monde, sa blouse et son ruban. Elle l'adorait. Rino, c'est le plus gentil. Il me donnera des sous pour que j'aille à l'école. Tu crois ? Oui. Et quand j'aurai fini l'école, je gagnerai beaucoup d'argent pour que Rino devienne la personne la plus riche du quartier. Et quand on sera riche, on s'achètera tout ce qu'on veut. On s'achètera plein de livres et une maison. Et on ira au restaurant et au cinéma aussi. Ah oui, et on ira au théâtre. La richesse devint notre idée fixe. On ira voir des concerts. À nous entendre, on aurait dit que la richesse était cachée quelque part dans le quartier, dans les coffres, qui, une fois ouverts, s'illuminaient et qu'elle attendait simplement que nous la trouvions. Et on prendra un bateau pour aller en Amérique. Puis, je ne sais pourquoi, cela changea. Et nous commençâmes à associer les études à l'argent. Et quand on ira au collège, on travaillera beaucoup. Et plus tard, on écrira un livre. Et avec ce livre, on gagnera plein de sous. Ah mais oui ! Comme l'auteur des quatre filles du docteur March. Elle a gagné tellement d'argent avec ses livres qu'elle a donné une partie de ses richesses à sa famille. C'est vrai ? Bah oui, on en écrit ensemble. D'accord. Lila ne sut pas résister. Alors que je devais tout le temps réviser, elle était plus libre. Elle se mit à l'œuvre et écrivit un roman sans moi. J'eus bien de la peine quand elle me l'apporta pour que je le lise. Mais je ne dis rien. Au contraire, je retins ma déception et lui fis grande fête. Lénou, regarde. Qu'est-ce que c'est ? J'ai écrit un livre. Il s'agissait d'une dizaine de feuilles pliées et fermées avec une épingle à couture. Là. café bleu. La couverture était illustrée avec des pastels. Comme il était passionnant et plein de mots difficiles. T'es vraiment douée, Lila. Tu devrais le faire lire à la maîtresse. Mais non, tu dis n'importe quoi. Si, si, t'es vraiment forte. C'est très réussi. Si tu veux, je peux lui apporter de ta part. Si tu veux. Alors que j'étais chez Madame Oliviero pour mon cours, je sortis La Fée Bleue. J'expliquais que c'était un superbe roman écrit par Lila et que Lila voulait qu'elle le lise. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Mais la maîtresse, qui ces cinq dernières années avait toujours été enthousiaste de tout ce que faisait Lila, répliqua froidement. Dis à Cerullo qu'elle ferait mieux de travailler pour l'examen, au lieu de perdre son temps. Elle garda quand même le roman de Lila, qu'elle posa sur la table sans daigner lui accorder un regard. Fais ton exercice d'écriture maintenant. Ce comportement me désorienta. Que s'était-il passé ? Elle s'était fâchée avec les parents de Lila, qui ne voulaient pas que leur fille aille au collège. Quelques jours plus tard, je lui demandais prudemment. Madame, vous avez lu La Fée Bleue ? Dis-moi, Greco, tu sais ce que c'est la plèbe ? Oui, la plèbe, donc les tribuns de la plèbe, les Gracques. La plèbe, c'est vraiment pas du joli. Non. Et si quelqu'un veut rester dans la plèbe, lui, ses enfants et les enfants de ses enfants, ils ne méritent rien. Laisse tomber Cerullo et pense à toi. Madame Oliviero ne reparla jamais de la Fée Bleue. Lila m'en demanda des nouvelles deux ou trois fois, puis elle abandonna. Elle déclara sombrement « Dès que j'ai le temps, j'écris un autre roman. Celui-là n'était pas bon. Il était magnifique. Il était nul. » Lila devint moins vive, surtout en classe. Quand ce fut la compétition de fin d'année, elle finit quand même la première, mais sans son côté effronté d'autrefois. À la fin de la journée, le directeur soumit les élèves restés en lice, à savoir Lila, Gigliola et moi, à un problème très difficile. Les enfants, je vous félicite. Vous avez très bien travaillé cette année. Ouais. Ouais. Ouais. Merci. Maintenant, je voudrais que vous résolviez un petit problème que j'ai inventé pour vous. Vous avez 15 minutes. On peina. Gigliola et moi, sans résultat. Lila, comme d'habitude, réduisit ses yeux à deux fentes et s'appliqua à la tâche. Elle fut la dernière à capituler. Cerullo, au tableau. Moi ? Oui. Alors ? Ce problème est impossible à résoudre. Il y a une erreur dans l'énoncé, mais je sais pas où. Une erreur, mais comment ça, une erreur? Ah, c'est comme ça, Cerullo. Espèce d'idiote, va. Et on se croit supérieur aux autres. Quand on ne sait pas résoudre un problème, mademoiselle, on ne dit pas « il y a une erreur dans l'énoncé, mais je ne suis pas capable de le résoudre ». C'est entendu? Est-ce que c'est compris? Je voyais Lila au tableau, toute menue. La craie à la main est très pâle. Je souffrais pour elle. Je ne supportais pas la vue du tremblement de sa lèvre inférieure et j'étais sur le point d'éclater en sanglots. Le directeur garda le silence. Pour autant que je me souvienne, la journée finit comme ça. Lénou, t'as envie d'aller à l'école ? Peu avant l'examen de fin de primaire, Lila me poussa encore à faire l'une de ces choses que, toute seule, je n'aurais jamais eu le courage de faire. Et si on n'y allait pas ? Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier. Mais t'es folle ! Ça ne nous était jamais arrivé. Des trains passaient toute la journée au fond de la campagne. Des voitures et des camions allaient et venaient sur le boulevard. Et pourtant, je ne me rappelle pas la moindre occasion où j'aurais pu demander à mon père, à la maîtresse ou à moi-même... Mais ils vont où, ces trains, ces voitures, ces camions ? Dans quelle ville ? Dans quel monde ? Allez, Lénou, demain, on va voir la mer. Lénou y est allée. L'eau est bleue et scintillante. C'est un spectacle merveilleux. Ah bon ? Mais je dirai quoi à mes parents ? Dis à tes parents qu'après l'école, on ira toutes chez la maîtresse pour fêter la fin de l'année scolaire. T'es sûre ? Parce que les maîtresses, elles n'ont jamais invité leurs élèves chez elles pour une fête. Hein. Justement, c'est pour ça que tu dois dire ça. Personne n'ira vérifier à l'école si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je lui fis confiance et tout se passa exactement comme elle l'avait prévu. Chez moi, tout le monde y crut. La veille, je n'arrivais pas à m'endormir. La mère. Qu'y avait-il donc au-delà de notre quartier, au-delà de ce périmètre que nous connaissions par cœur? Je me levai de bonne heure et fis tout comme si je devais aller à l'école, enfiler mon cartable, ma blouse. Comme d'habitude, j'attendis Lila devant le portail. Mais au lieu de partir à droite... Et là, on tourne à gauche. Il fait vraiment chaud. On sentait une forte odeur de terre et d'herbe qui séchait au soleil. On va voir la mer. On va voir la mer. Oui. On va cacher nos cartables. Alors. C'est tout droit là-bas. Après le tunnel, au bout de la route, il y a la mer. On est dans le tunnel. Il fait tout noir. Quand je songe au plaisir d'être libre, je repense au début de cette journée, à la sortie du tunnel, à ce moment où nous nous retrouvâmes sur cette route toute droite à perte de vue. C'est avec joie que je me sentis exposée à l'inconnu. Regarde, un cheval! T'as vu comme il est maigre? Le cheval du père d'Enzo est beaucoup plus costaud. Sinon, il pourrait pas traîner la charrette à fruits et légumes. Oui, c'est vrai. Et là, regarde, à la fenêtre, il y a une dame qui se passe un peigne à poux dans les cheveux. Moi, cette année, j'ai pas eu de poux. T'en as eu, toi? Moi, non. Mais mes frères, oui. Avance, vite. Il y a un vieux qui veut nous montrer son zinzin. Bah, c'est comme Don Mimi qui nous montre son machin dégoûtant à chaque fois qu'on sort de l'école. T'as pris de l'eau? Non, mais j'ai faim, pas toi? Là, ça fait des heures qu'on marche. Je suis fatiguée, c'est encore loin? Nous n'avions pas pensé à prendre de l'eau ou des biscuits. Lila ralentit et je ralentis moi aussi. Je la surpris deux ou trois fois à me regarder, comme si elle s'en voulait de m'avoir fait une méchanceté. Qu'est-ce qui se passait? Lila, allez, viens! Je me rendis compte qu'elle se retournait souvent et me mit à me retourner moi aussi. Sa main était en sueur. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus le tunnel, la frontière de notre quartier, derrière nous. La route déjà parcourue nous était désormais peu familière, comme l'était celle qui continuait à se dérouler devant nous. Et c'était un paysage d'abandon qui se dressait maintenant autour de nous. Des monceaux de bidons, du bois brûlé, des carcasses de voitures, des roues de charrettes aux rayons brisés, des meubles à moitié détruits et de la ferraille rouillée. Pourquoi Lila regardait-elle derrière elle? Pourquoi ne disait-elle plus rien? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je regardais mieux. Le ciel, qui au début était haut, semblait très bas maintenant. Derrière nous, tout devenait noir. Je pris peur. Mais ce qui m'effraya le plus, ce fut l'expression de Lila, nouvelle pour moi. Elle était là, bouche bée, les yeux grands ouverts. Est-il possible qu'elle ait peur? Oh non, il pleut. Allez, on rentre. Ben, et la mer? C'est trop loin. Et la maison? Aussi. Autant aller à la mer, alors? Non. Et pourquoi? On y va. Je la vis agitée comme je ne l'avais jamais vue. On aurait dit que quelque chose qu'elle avait sur le bout de la langue, mais ne se décidait pas à me dire, l'obligeait tout à coup à me traîner en toute hâte vers la maison. Il ne vint à l'esprit ni de l'une ni de l'autre de chercher refuge quelque part. Nous courûmes, aveuglés par l'eau, nos vêtements bientôt trempés et nos pieds nus serrés dans des sandales usées. Puis ce ne fut plus possible et on dut ralentir. Nous étions trempés, avions les cheveux collés sur le crâne, les lèvres livides et le regard effaré. On retraversa le tunnel, puis on grimpa à travers la campagne. Les arbres lourds de pluie nous effleuraient en nous faisant frissonner. Vite, on prend nos cartables. Lila ne me donna plus la main. Nous comprîmes vite que rien ne s'était passé comme prévu. Le ciel s'était fait tout noir au-dessus de notre quartier, juste à l'heure de la sortie des classes. Ma mère était venue à l'école avec un parapluie pour m'accompagner à la fête chez la maîtresse. Elle avait découvert que je n'y étais pas et qu'il n'y avait aucune fête. Elle me cherchait depuis des heures. Lénou, il y a ta mère. Je te laisse. Si tu recommences, je te tue, tu m'entends ? Lila passa à travers. Chez elle, personne ne s'était aperçu de rien. Ma mère raconta tout à mon père et l'obligea à me battre. Elle a menti. Je savais même pas où elle était. Mais elle a disparu. Enfant, il faut la enfant. Punir maintenant. Bah, essaie de comprendre un non, petit peu. Non, faut la punir. Mais elle a pas été assez punie comme ça. Et... Quoi, tu veux que je lui colle une rouste? Exactement, vas-y. Bon, Lénou, tiens, viens ici. Tourne-toi. Tiens. Arrête. Pendant toute la nuit, je tentais de saisir ce qui s'était réellement passé. Nous devions aller à la mer et nous n'y étions pas allés. Je m'étais ramassé des coups pour rien. Une mystérieuse inversion des rôles s'était produite. Malgré la pluie, j'aurais voulu continuer à avancer. Je me sentais loin de tout et de tous. Et cette distance, c'est la première fois que je le découvrais, éteignait en moi tout lien et toute préoccupation. Lila, au contraire, avait brusquement regretté son propre plan, avait renoncé à la mer et avait voulu rentrer dans les frontières de notre quartier. Je n'y comprenais rien. Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans le jardin public. T'as des bleus sur les bras? C'est tes parents qui t'ont fait ça? C'est pas grave. Ils t'ont seulement tapé? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me fassent d'autre? Ils t'envoient toujours apprendre le latin? Je la fixais, perplexe. Était-ce donc possible? M'avait-elle entraînée avec elle dans l'espoir que mes parents, en guise de punition, ne m'enverraient plus au collège? Ou m'avait-elle ramenée à la maison en toute hâte, justement pour m'éviter cette punition? Ou encore, c'est ce que je me demande aujourd'hui, avait-elle suivi à des moments différents ces deux désirs? À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. Troisième épisode, L'échappée belle, avec Amira Kazar, Emilia Cazzordi, Angèle Bertin, Sophie Goubri, Jean-Charles Di Zazzo, Françoise Cousin, Johanna Cortals-Altès, Stefo Linard, Élise Arpentinier et les voix de Lorenzo Palazzo, Matteo Palazzo, Gaetano Festinese, Antonio Carola. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Doumingue et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Haute-Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.